Je suis Lia, je suis avec toi dans cette émission L'Odeur du Son pour un moment chaleureux. On a besoin en ce moment de chaleur, hein. Là ça y est, les températures sont plus qu'en baisse. Et comment va-t-on se réchauffer aujourd'hui? Eh bien, je vais te jouer quelques disques chouchous que je n'ai pas été seule à prévoir aujourd'hui. Ça sera le moment de bouger, de remuer toutes les parties de ton corps pour te réchauffer justement. Voilà, et bien sûr l'essentiel, comme j'aime beaucoup le dire, j'accueille maintenant mon invité. Rodolphe alias Roro, si j'ai bien suivi. C'est ça. Ça va, Rodolphe? C'est ça, ça va. Et toi, Lia? Mais oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans les studios de Radio Guémozo. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir et puis... De te donner la parole. De me donner la parole. Il est tout stressé, notre Rodolphe. Alors, nous nous sommes rencontrés lors des 40 ans de Radio Guémozo où tu venais donner un coup de main à Fred, notre ingé son. Merci encore à toi, à vous deux, à merci tout le monde. C'était génial. En plus, une super rencontre. Tu es donc Rodolphe, facteur de guitare. Enfin, c'est le terme désigné pour la facture de guitare. C'est le luthier, c'est plus les instruments acoustiques du quatuor. Donc, les violons, violoncelles, contrebasse, un peu les mandolines, les choses comme ça. Mais puis c'est vrai que pour de la guitare électrique, moi je fais exclusivement de la guitare électrique et de la basse électrique aussi, d'accord. D'ailleurs, on dit facteur de guitare. D'accord. Après, c'est juste un terme. Après, beaucoup de gens utilisent le terme luthier en me contactant, quoi. Mais c'est bien d'avoir un petit peu cette précision. C'est pas mal. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu as créé ton entreprise Anna Guitare. C'est ça. Depuis quand? Alors, depuis très longtemps. Ça s'est fait par étapes. En fait, dans un premier temps, j'ai commencé donc très très tôt à bricoler des guitares. Enfin, à les bricoler, plutôt à les torturer, quoi. On peut appeler ça comme ça. Parce que j'étais assez jeune. Donc, c'était il y a une trentaine d'années, quand même. Après, officiellement, au fur et à mesure du temps, ça s'est officialisé jusqu'en 2017 où vraiment je me suis inscrit à la Chambre des métiers en micro-entreprise et voilà, pour avoir quelque chose de plus officiel. Après, de dire quand ça a commencé, je dirais il y a une petite trentaine d'années. Eh oui, dis donc, quand même. Voilà. Tu vas nous expliquer pourquoi tout ça. Pourquoi ce nom déjà, Anna Guitare? Alors, Anna, parce que c'est ma grand-mère paternelle, qui est aussi la grand-mère de ma conjointe et qui, en fait, alors Anna dans la famille, c'était une personne, elle était centenaire, c'était quelqu'un de très très ouvert d'esprit, avec qui on pouvait parler de choses très modernes. Pourtant, malgré son âge, elle est née en 1909, hein, donc voilà. Et donc c'était ça, c'était vraiment la légende dans d'accord la famille. Et c'est vrai que je me réfère encore à elle aujourd'hui, des discussions qu'on n'a pas forcément avec des personnes de l'âge là. Et il se trouve que c'est un modèle en fait, finalement. Okay. Donc après Anna, ben pour ça, et puis pour le fait que pour personnaliser un peu, donner un peu de vie aux réalisations en fait, d'accord, que je fais. C'est un petit hommage quoi. Petit hommage, mais je pense que je l'aurais pas appelé comme ça, je l'aurais pas fait en fait. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais, ouais. C'est plus qu'un hommage. Bah, c'est une espèce de continuité de Anna en fait, dans les guitares, j'espère en tout cas. Un petit peu de Anna un peu partout. Voilà. Oh, ah, trop beau. Alors, sur quel secteur tu es? Moi, je suis à Basse-sur-le-Rue. Donc, Basse-sur-le-Rue, c'est au-dessus de Vannier. Voilà, entre Vannier et La Bresse. Ouais. Voilà, donc là, c'est mon atelier. Donc l'atelier, il est chez moi. Malheureusement, bon, j'ai pas de vitrine, j'ai pas de showroom ou de choses comme ça pour. Ok. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas forcément comme ça que je travaille. Et puis je suis tout seul. Et c'est vrai que je connais d'autres. Il y a d'autres facteurs de guitare qui ont ce même principe de fonctionnement. Et c'est vrai que quand on reçoit du monde pour montrer des choses, ben on travaille pas. Ah oui. Oui, parce qu'on parle. Mais bon, dans ce métier-là, c'est beaucoup. C'est je sais pas, 60% d'échanges, quoi. Oui. Donc. Okay. Donc on travaille quand même un peu, mais c'est vrai que sur le rue. C'est bien, atelier, sur le rue. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Il y a du bouche à oreille, du coup, pour ça marche beaucoup au bouche à oreille. Ça ne marche que par le bouche à oreille. Okay. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Après, je fais pas une étude approfondie sur l'activité d'Anna Guitare, mais ça marche que par le bouche à oreille. D'accord. Et je peux avoir des magasins de musique qui me contactent de temps en temps pour s'ils sont pas spécialisés dans la guitare et qui peuvent me dire bon ben voilà, j'ai un client, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et là, c'est une méthode, mais sinon le reste du temps c'est que le bouche à oreille pour quelqu'un pour qui j'ai fabriqué une guitare qui va parler, pour quelqu'un qui m'a vu ou qui a vu. Par contre, ça ne vient que par le bouche à oreille. Incroyable, c'est la meilleure des choses. Ouais. Je pense. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Bah, tant c'est mieux. Étrange. Ouais, est-ce que tu vis de cette passion-là? C'est vraiment. Non, enfin oui et non. Okay. C'est en fait le problème, c'est que c'est déjà très très irrégulier. C'est en dents de scie. Oui. Là, par exemple, avec les confinements, c'était une véritable catastrophe. Oui. Donc, il faut que régulièrement, il faut que je travaille à côté ou que je fasse des choses. Oui. Après, j'ai eu des périodes où je pouvais en vivre. Ça marche. On va dire que, en fait, on en vit. Enfin, facteur de guitare, on en vit. On s'enrichit pas, hein, par contre. Même quand on en vit, on est vraiment. C'est plus une passion dévorante. Et oui. Du coup. Voilà, faut essayer de pas travailler à perte, mais en vivre, j'en connais pas trop. Alors déjà, c'est très marginal. Oui. Ouais, y a pas beaucoup. Moi, j'en connais pas beaucoup dans le coin, ni même en France. Il y en a, mais en vivre, bon, c'est complexe. On s'enrichit spirituellement et puis avec la vibration et toute l'énergie que ça procure de faire quelque chose exactement. Qu'on aime tant. Exactement. Ben enfin, voilà. je pense. Voilà. Avant de se lancer à corps et à cœur perdu dans ce sujet, la Mamma Mia de l'artiste Maneskin. Music's your on. Give me a command and I'll do what watch you, that's cause my favorite music you're on. Give me a command and I'll do what you, that's cause my favorite music you're on. Give me a command and I'll do what you, that's cause I love when you sing out loud. Oh mama, mama mia. Maneskin sur Radio Gemozo, groupe italien du coup pop rock, ouais. Que tu m'as, voilà, j'ai fait la petite recherche quand tu m'as demandé et on a trouvé ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un son qui vient de sortir il y a quelques jours. J'ai rencontré ce son durant le week-end et je me suis dit ça va plaire à Rodolphe. C'était cool. Auditeur, tu es bien branché sur le 107 et tu as bien raison, on est sur Radio Gemozo. Peut-être que tu nous écoutes depuis les applis gratuites Orange Radio ou Radio Line ou de notre site internet. En tout cas, merci à toi pour ta fidélité. Rodolphe, à quel moment es-tu tombé dans la grande marmite de la musique? Parce que être facteur du guitare, ça vient pas du ciel quand même. Non. Ouais. Bah, j'ai commencé par faire de la guitare. En fait, ça a commencé avec la pratique de la guitare. Okay. Mais bah, à peu près pareil, quoi. Je pense vers 11-12 ans et quasiment quelques mois après ou peut-être une année après, en parallèle, j'apprenais la guitare et il a fallu que je me dise mais il faut que j'en fabrique, quoi. En fait. D'accord. Alors je sais pas pourquoi. Je peux pas l'expliquer encore aujourd'hui. Maintenant, surtout à l'époque, quoi. Aujourd'hui, je peux comprendre. Je pourrais plus l'expliquer en me disant que j'ai une vraie passion pour cet instrument et pour le bois parce que c'est quand même fait de bois. Hein. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il faut projeter dans la matière pour comprendre comment elle fonctionne acoustiquement, mécaniquement parlant. En plus, c'est hyper vaste et c'est sans fin. Par contre, à l'époque, effectivement, j'avais pas de recul plus que ça et c'est suite en écoutant. Je me suis mis à la guitare bizarrement en écoutant Bonnie M, quoi. Alors, c'est vraiment étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de guitare là-dedans. D'accord. Et puis après, en trouvant des trucs, des cassettes, parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes. Et ouais. De Hendrix, de Pink Floyd, des choses comme ça. Et puis c'est venu comme ça, et la guitare est venue comme ça. Et la fabrication est venue comme ça. T'as voulu comprendre un petit peu le fonctionnement de cet instrument que tu aimais tant, en fait. C'est ça, je pense. J'ai senti le besoin de participer davantage, jouer dessus, c'était déjà super, et ça l'est encore, parce que de toute façon, pour fabriquer des guitares, je pense qu'il faut en jouer. C'est comme celui qui fabrique des pianos, un facteur de piano, il est forcément pianiste. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, oui, il faut que je comprenne ça. Enfin, j'imagine que je me suis dit ça. Mais c'est cette démarche-là. Ouais. Il a fallu que j'ai commencé. Alors, ça a mis vraiment beaucoup de temps au début, parce que quand on a 12 ans, même 14, 15 ans, bon, on prend les outils de son père, et puis on fait des trucs. Bon, c'est pas terrible, hein, avec le recul. J'en ai gardé quelques-uns. Oui, c'est vrai, c'est génial. Ouais, la toute première guitare que j'ai fabriquée, je l'ai encore. Ouais. Elle ne fonctionne plus, mais de toute façon, elle ne pouvait pas vraiment fonctionner. Elle était très, très mal faite. Parce que les outils que j'avais à disposition, c'était les outils de mon père. Il était plus dans la mécanique que dans le travail du bois. Donc bon. C'était des gros marteaux, des trucs comme ça. Mais je me rappelle j'ai réussi à faire quelque chose. Et puis ensuite, ça a pris des années. Il faut dire qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas forcément Internet. C'était très compliqué, quoi. Déjà, simplement trouver du bois, la matière première. C'était très très compliqué, quoi. Je me rappelle, c'était épouvantable d'ailleurs même. D'accord. Après, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que tout est à portée de main, forcément. Donc, ça s'est accéléré avec les outils, outils, plus modernes. Voilà, avec les outils qui sont arrivés, les outils, en tout cas, Internet et tous ces outils de communication qui permettent finalement de trouver des fournisseurs, de trouver des choses comme ça, et beaucoup plus vite. Et au début, c'était compliqué. Donc, ça mettait des années. Et je me rappelle, même j'allais voir les luthiers ou j'allais voir des gens pour... Et je comprenais pas à l'époque qu'il me disait tu vas te sentir seul, quoi. Et je me disais ah bon. Ça donne envie. Non, parce que c'est tellement marginal, comme on le dit, que c'est super compliqué. Et ils étaient pas très avares de conseils, de choses comme ça. Donc j'ai dû c'était pas simple. D'accord. Mais je me suis, c'est ce qui fait que j'en fais encore aujourd'hui et que j'en ai fait mon activité presque principale, c'est que si on lâche pas devant les difficultés comme ça, c'est que il y a quelque chose. Ah oui. Et c'est qu'on est un peu fait pour ça, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Voilà. Du coup, est-ce que t'as grandi dans une famille de musiciens parce que t'as eu envie très tôt de jouer un instrument? Non, pas du tout. Alors mélomane peut-être, oui, mais musicien non. Ou en tout cas, j'avais 2-3 cousins peut-être qui étaient. Mais par contre, côté parents, frères et sœurs, grands-parents, personne, pas de musicien à ma connaissance. Ils étaient étonnés du coup que t'aies envie de te lancer là-dedans. Bah, ça s'est fait tellement progressivement en fait que je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, quoi. Ils ont vu que je faisais de la guitare et que dans les premiers temps, comme tout le monde, quand on fait un instrument, on y passe des nuits, on y passe des jours, et puis ils se sont dit ouais, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose de celui-là. et puis voilà, quoi. Après, j'ai failli étudier la musique. C'est-à-dire, j'ai pris des cours de guitare, mais ça s'est arrêté là. J'aurais bien voulu, à une époque, effectivement, peut-être, mais pratiquer davantage la musique et être plutôt musicien que facteur d'instrument. Ça s'est pas fait pour plein de raisons. Bon, voilà, c'est la vie qui bah oui, c'est comme ça. Et bah, c'est pas si mal parce que finalement, je me sens bien de l'autre côté de la truc. Et puis je continue à jouer. Et puis les rencontres. Je pense que je fais des plus belles rencontres que si j'étais resté que musicien. Oui. Enfin, je pense. Après, je sais pas. Parce que là, c'est vraiment bien, quoi. On partage quelque chose de d'impalpable, enfin, ou quelque chose qu'on peut pas partager autrement, quoi, dans la vie de tous les jours. Là, c'est vraiment l'instrument devient le lien entre le facteur de guitare ou le luthier et le guitariste, quoi. Et puis ça doit être une sacrée transmission une fois que t'as fait ton instrument et que... Mais on en parlera tout à l'heure, on va pas griller les étapes. Mais t'as jamais joué dans un groupe ou... Si, bien sûr, ouais. Assez jeune d'ailleurs, plusieurs groupes. Mais encore récemment, bah, avec Fred, qu'on a rencontré, on joue par plaisir, qu'on va dire, on a fait des petites choses intéressantes. Ah, j'aimerais entendre ça, tiens. Ah bah, peut-être que ça reviendra bientôt. Oui. Je vais le motiver à me faire écouter tout ça. Alors, pourquoi la guitare et pas un autre instrument? Tu sais pas. Non, franchement, je pourrais pas dire. Il y a 30 ans, on était en 1990, il y avait un truc qui s'appelait Nirvana. Ah ouais, sacré truc. Et je pense que c'est ça qui a... Hormis le fait, j'ai écouté beaucoup de choses. Et je me rappelle, il y avait aussi les Eagles, Hotel California, oui, qui a un slow terrible avec un solo de guitare de dingue. Oui. Donc c'est ça, je pense, ça. Puis le fait que bah c'était Nirvana partout quand même quoi, en 90. Donc la guitare. Bah, il y avait la batterie. Bah oui. Mais la guitare. La guitare. Alors à quel moment tu t'es dit que t'allais en faire ton métier? Est-ce qu'il y a un moment quand même? À un moment donné où tu as eu un déclic et tu t'es dit, voilà, c'est là-dedans que je vais évoluer et c'est décidé. C'est difficile quand même à dire. Ça s'est fait, comme je te disais tout à l'heure, oui. Ça s'est fait vraiment très, très sur le fil du temps. Mais tu aurais pu tu vois, tu aurais pu... Oui, je pense. Il y a plusieurs périodes où je me suis dit, bon, j'y pensais plus, même pendant quelques mois. Mais de toute façon, j'étais toujours à l'atelier où les ateliers que j'ai eu au fur et à mesure de ma vie, il y avait toujours des guitares à faire. Et c'est vers, je pense, vers 18 ans à peu près, quoi. 18-20 ans où je me suis dit, parce que j'étais en Alsace, à Colmar, et là-bas j'ai rencontré Benoît Remy. Donc Benoît Remy, c'est un luthier qui faisait des guitares, et il m'a fait une guitare, donc j'ai pu participer, j'ai pu travailler avec lui, et c'est lui qui m'a... Alors il était très avare de conseils, hein, lui d'ailleurs. D'accord. Mais par contre, il me laissait rentrer à l'atelier les samedis matins, j'allais le voir et tout. Bon. C'est lui qui m'a vraiment fait comprendre ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je mette en œuvre pour vraiment fabriquer des guitares. Et là, je pense que c'est parti de ça. Et après, c'était un but, mais quelque chose qui me... Qui te prend aux tripes. Ouais, et puis qui m'empêchait de dormir, surtout. Donc je me suis dit, bon, on va le faire. Hein. C'est comme quand on a une chanson qui tourne dans la tête. Ça t'obnubilait. On se dit, il faut la chanter une bonne fois pour toutes, elle sort, en général. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et puis, alors c'est pas sorti. Ça m'obnubile toujours autant, mais par contre, bon, là maintenant, voilà. Donc après encore plusieurs années, j'ai pu commencer à acheter des machines, des choses comme ça, et puis perfectionner, et puis côtoyer encore d'autres facteurs de guitare ou d'autres luthiers. Et puis comme on disait tout à l'heure, avec les moyens Internet, c'est quand même beaucoup plus facile de voir ce que font les grandes marques, par exemple, ou les industriels de la guitare. Bien que c'est pas mes modèles, mais eux, ils ont les moyens de communiquer, on va dire. Et donc, ils donnent plein d'infos, sans faire exprès. Ah, t'es attentif alors. Ouais. Alors, j'allais te demander comment devient-on facteur de guitare et quel est tout ton parcours à toi. Donc, je comprends que t'es quand même plutôt autodidacte et que tu as appris sur le terrain en rencontrant, en fait. Voilà, en rencontrant, en travaillant un petit peu, donc avec un luthier aussi. Mais de toute façon, à cette époque-là et encore aujourd'hui, je connais pas de... Il n'y a pas de cursus scolaire pour apprendre à faire des... Alors, il y a Mircourt. Oui. Mircourt forme des jeunes... je crois que c'est à l'âge de l'apprentissage, il me semble. Ça doit être aux alentours de 14 ans. Mais la guitare électrique, c'est encore trop... Enfin, en France, non, malheureusement. D'accord. Il n'y a pas la même culture que chez les anglo-saxons où vraiment... Là-bas, il y a vraiment des groupes, des associations de facteurs de guitare aux États-Unis, par exemple. C'est hyper répandu, c'est un truc incroyable. En France, non. Et il y a, à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors peut-être qu'un auditeur pourrait nous dire. Peut-être qu'il y a, Mais oui, auditeur. Il me semble qu'il y avait à Bédarieux, chez. Alors, on va citer une marque de guitare, c'est LAG. Donc c'est une marque de guitare française. Ils étaient situés à Bédarieux. Il me semble qu'ils faisaient des stages. Ou de la formation pour adultes, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'étais déjà passé à côté, quoi. D'accord. Et puis après, on ne peut pas forcément, habitant dans les Vosges, partir... des fois, on a un travail, des fois, on a une maison. On est des fois trop jeune. Voilà, bon, après... Est-ce que tu dirais qu'on apprend encore tous les jours dans ton métier ? Avec les nouveautés, les nouveaux moyens, et puis avec l'expérience, encore et encore ? Toutes les minutes. Et c'est le fait de travailler le bois, qui est une matière, bien qu'il est sec, pour faire, très très sec d'ailleurs, pour faire les guitares, c'est une matière vivante. C'est-à-dire que le bois, il est toujours vivant pendant des siècles, des siècles. C'est-à-dire que quand il meurt, c'est qu'il est en poudre. Ah, oui. Donc voilà, ouais. Et c'est tellement vaste, c'est-à-dire que la relation entre le bois et l'acoustique... c'est déjà hyper compliqué, donc là il faut une expérience énorme. C'est pour ça qu'on peut pas être luthier en 4 minutes ou en 1 an, quoi. C'est-à-dire il faut avoir, il y a des grands standards, ça a été défriché quand même par des luthiers depuis des siècles. Il y a des grands standards, c'est-à-dire on sait que telle essence va produire telle fréquence, telle essence, tel machin, on le sait, mais il faut quand même faire ses propres expériences acoustiques, j'ai envie de dire, et ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'un bout de bois qui est sec depuis 10 ans, il va apporter une sonorité telle que 10 ans après, ce ne sera pas pareil. Incroyable. Ouais, enfin, c'est très très proche, mais il y a quand même une différence. Et le fait donc de travailler avec des musiciens, des guitaristes, qui sont souvent des gens qui ont des musiciens qui ont des oreilles très très très très affûtées. Et donc ils entendent des trucs aussi de fou. Et en fait, on s'entraîne à comprendre toutes ces propriétés acoustiques. Et puis sur les guitares électriques, après il y a les micros, effectivement, donc là ça évolue, parce qu'on est plus dans quelque chose de moderne, ça évolue avec le temps, donc ça fait encore changer, ça remet en cause tout le temps un peu les acquis ou les grands standards, bien que la guitare électrique n'a pas changé depuis 70 ans. Ah oui. Voilà, ouais, les guitares électriques c'est années 30, 40, 50 on va dire. D'accord. Et là c'est les grandes lignes. Et d'ailleurs, les modèles qui ont été faits dans les années 50 existent toujours aujourd'hui. Et c'est même les fers de lance, quoi. Les Incroyable. Fender Stratocaster, oui, oui. Et tout ça, tous les trucs très connus. Oui. Ça n'a pas changé. Incroyable, c'est très passionnant en tout cas. Moi, je suis passionnée. Ouais. Alors du coup, j'allais te demander quel genre de guitare tu fabriques. Donc, tu fabriques des guitares électriques. Électriques. Alors électriques, après, il y en a, y a plusieurs sortes. Il y a les guitares électriques... comment dire, on ne va pas rentrer trop dans le peut-être technique, mais... Allez. Guitare électrique, donc guitare dite standard, normale. Après, on passe sur de la basse, guitare basse. Donc, il y a moins de cordes, mais le manche est plus long. Il y a de la guitare baritone qui est entre deux, mais ça reste, on reste dans le domaine de l'électrique. Après, il y a des guitares pleines et les guitares creuses. Alors, c'est un peu vulgarisé, là, de D'accord. dire comme ça. Okay. Les solid body, donc pour les guitares, les grosses guitares électriques. Et puis après, on a des guitares qui sont soit des arctop, c'est-à-dire à table bombée, ou des guitares creusées, des fine lines. D'accord, c'est ok. Pour produire une autre acoustique. Oui. Parce que malgré qu'il y ait des micros, sur une guitare, c'est pas le micro finalement qui va donner la couleur. Lui, le micro, il va amplifier. Mais en fonction de la lutherie. Alors là, pour le coup, on utilise le mot la lutherie. Donc la lutherie dans une guitare électrique, c'est tout ce qui est le bois, quoi. En d'accord. Fait, okay. Le manche, okay. La touche et tout ça. Et donc c'est le micro, lui, va amplifier, quoi. Okay. C'est une chaîne de son. C'est ce qui est intéressant par rapport à la lutherie classique, c'est-à-dire d'instruments acoustiques. Oui. C'est que là, on a une guitare, la main du guitariste, les cordes, le micro. Après, il y a l'électronique embarquée. Après, ça passe dans un câble. Enfin, tu vois, ça, tout incroyable, le monde s'en oui. doute. Ça rentre dans un ampli, un préampli, des lampes, un ampli de puissance, un haut-parleur. Et seulement à la fin, l'oreille humaine entend ce qui sort du haut-parleur, finalement. Oh la vache. Mais c'est. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas que du bois et que de la lutherie. C'est qu'on part aussi dans la pure technique avec les amplis. Faut appréhender les amplis et les différents amplis parce que ça fait réagir différemment. Les haut-parleurs, tout ça, c'est hyper vaste et c'est oui. pour ça que c'est inépuisable comme oui comme domaine ouais. Ah ouais ouais, on peut pas faire le tour je crois en une vie. J'imagine. Je pense. J'imagine. À quelle guitare tu as préféré donner vie? Quelle guitare tu préfères fabriquer? Et tu peux choisir d'ailleurs. Ce que je préfère fabriquer, ça va être la guitare, bah, comme la guitare qu'on peut voir dans le site ou sur la page Facebook pour Alexandre Astier. Parce que j'utilise notamment les bois torréfiés. D'accord. C'est-à-dire. Alors là, c'est complexe. Aujourd'hui, ça fait quelques années, je pense une dizaine d'années, c'est devenu un peu un phénomène de mode dans l'agencement intérieur, c'est-à-dire utiliser des bois et les torréfier, c'est-à-dire comme le café, quoi, les cuire. D'accord. Mais à des températures relativement faibles pour ne pas les brûler, quoi. Oui. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'on reproduit artificiellement, en cuisant le bois, on reproduit l'effet du temps. C'est-à-dire qu'un morceau d'érable, on prend un érable par exemple, qu'on va torréfier, il va sonner en quelques heures, finalement, comme s'il était sec depuis 30 ans. Il va être plus léger et il ne va plus travailler, quoi. Donc c'est propriété acoustique, mécanique, c'est quelque chose de vraiment très très bien. Et ça rejoint à la question que tu m'avais posée, parce que donc ce que je préfère fabriquer, c'est des guitares de type vintage, quoi. Vraiment, d'accord. Qui se faisaient dans les années 50, 60, qui sonnent pareil. Et avec l'utilisation des bois torréfiés, j'arrive à des sonorités comme ça. Incroyable. Ouais, parce que les guitares des années 60 sont. Il y en a. C'est inaccessible. Niveau prix, on ne peut pas se payer des instruments comme ça, malheureusement. Oui. Donc la quête, elle est un peu là, quoi. Aller essayer de reproduire des choses qui sont des guitares légendaires, comme les Gibson, les Paul et tout, mais qui seraient vieilles de 30 ou 40 ans. Et c'est pour ça que je me suis fait un peu une spécialité de ça. Enfin, une spécialité, d'accord. D'autres le font. Mais c'est vrai que les bois torréfiés, ça me plaît beaucoup. J'arrive à vraiment faire... aller plus profond dans ma réflexion acoustique, en tout cas, mmh. et faire ce genre de guitare qui sonne bah, comme si je prenais un bois normal et qu'elle sonnera comme ça dans 40 ans. Incroyable. Et je serais peut-être plus là pour l'entendre. Quoi. Incroyable. Ouais, enfin, c'est pas mal. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bah. Moi, je plane complet, là. Je suis, je construis des guitares, je fabrique des guitares avec toi en même temps. Oui, c'est... on se plonge dans les deux prochains sons que tu nous as préparés. C'est toi qui les as choisis. On va s'écouter Blundstone. Tu nous as choisi quel titre? Alors c'est The Guiding Light. Ouais. Donc c'est un titre qui, parce que j'ai fait une guitare donc pour le guitariste chanteur Alex Astier, et c'est un titre qui représente bien, je trouve, au niveau du son des guitares, le son de cette guitare que je lui ai fait, quoi. C'est-à-dire donc avec des bois torréfiés. D'accord. Ah, donc pour les connaisseurs, je pense, entendront. Il y a une espèce d'équilibre très rond et tout ça. On va être attentif. Ouais. S'en suivra Serial Killer. Oui. De qui? Bon, Serial Killer, bah, ouais, le thème un peu, mais c'est pas pour le thème, c'est plus c'est Slash Neck Pit. Donc ouais. c'est un groupe qui a été formé après par le guitariste Slash, que bah pas oui. mal de monde connaît, après Guns N' Roses, tout ça. Je crois que c'est dans les années 2000. Et en fait, ce morceau, elle a la particularité de. Il y a le solo de guitare, je trouve. Donc, lui, il met bien en évidence ce côté qu'on doit avoir quand on fabrique des guitares, c'est-à-dire. Pouvoir permettre au guitariste de véhiculer sa propre émotion vraiment sans se poser de questions dans un bout de bois auquel on donne vie, mais de la meilleure des manières, pour que justement ça puisse être dans son ADN à la fin, quoi. C'est-à-dire, c'est c'est comme ça que je travaille, en créant un lien avec l'artiste ou le guitariste extrêmement fort. Mais oui, c'est unique. Voilà, c'est ça. Pour comprendre en fait ce qu'il veut, ce qu'il fait, comment il le fait, en faisant fi de tout. Je veux dire, je m'occupe pas du style, même si c'est pas mon style de musique. Oui. Ça ne rentre jamais en ligne de compte. C'est juste la démarche que lui a. Et moi, je suis obligé de. J'ai plus le choix, quoi. C'est là que je mets la barre. Et la barre est super haute, du coup, parce qu'il faut que j'y arrive. Mais quand on y arrive. Alors, c'est pas moi qui ai fait la guitare sur laquelle il a fait le solo, bien sûr. Enfin, hélas. Non, mais là. Bon. Peut-être un jour. Mais je trouve que, voilà, après, ça me fait penser au travail que je fais et le résultat que je peux attendre. C'est-à-dire. Où le gars se lâche, quoi, finalement. Oui. Ouais, totalement. Et il vibre avec sa guitare. Ouais, et quand c'est toi qui l'as fabriqué, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Là, oui. Avec Blondstone, ça se passe comme ça. Même en live, quoi. Donc, parce qu'il joue avec cette guitare tout le temps en live. Et c'est étrange, quoi. Il se passe un truc bizarre, parce qu'en fait, il y a une espèce de fierté. Oui. Mais en même temps, je me dis, mais. Elle ne m'appartient plus, quoi. Elle est partie et je trouve. Puis bon. C'est un peu comme un enfant, quoi. Ouais, c'est pareil. Il y a des fois, c'est même très dur de les faire partir. Ah ouais. Malgré qu'elles sont fabriquées et tout. Il y a des fois, je me dis ah non, celle-là, je ne peux pas. Mais c'est vrai. Hein. Mais même les morceaux de bois, là, une expérience récemment là, avec Thomas, pour qui je fais un corps de guitare. Et genre j'ai des petits stocks de bois, j'ai pas des stocks monstrueux évidemment parce que je peux pas me le permettre, hein, mais on a trouvé un bon morceau de bois et avant même d'être raboté et d'être une guitare, même le morceau de bois en le regardant, parce que celui-là je dis que j'y croyais depuis des années, je me dis celui-là il va vraiment faire un truc bien. Et là je me dis ah merde, il va partir. Ah oui. mais c'est bon quand même quoi après quoi. Ah bah oui, c'est une sacrée fierté j'imagine. Ouais. Allez, on écoute ces deux sons et on se retrouve juste après. We climbed.

Incroyable ce morceau. Incroyable. Merci beaucoup pour cette découverte. Ouais. Je vais réécouter ça au casque. Ah oui, il faut écouter conseils. Au casque. À fond, enfin à fond, avant que ça fasse mal, quoi. Enfin, il faut arrêter. Oui, n'écoutez pas trop fort, n'abîmez pas vos tympans. Voilà, oui. L'audition est très précieuse, surtout pour des musiciens et puis pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel procédé pour donner vie à une guitare. C'est quoi les étapes? On commence par quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer du début à la fin sans nous donner de secret, voilà. Alors ça commence de toute façon toujours par un contact humain. Oui. Donc ça c'est une évidence, à moins que je décide de faire une guitare comme ça dans le vent pour me faire plaisir. Mais souvent par un contact, par quelqu'un qui va me dire je veux une guitare. Et là tout de suite c'est des échanges. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, il faut absolument que je comprenne ce que fait le guitariste. On va dire guitariste parce que c'est de la guitare. Hein. Oui. Ou le musicien. Et il faut que lui, il s'ouvre, quoi. Qu'il ouvre sa petite boîte de secrets et puis qu'il me dise. Et là, donc ça, c'est vraiment la première étape, quoi. Ensuite, à moi de chercher exactement ce qu'il va falloir, donc les bons ingrédients. Donc ça va être différentes essences de bois. Ça va être, je vais proposer d'abord des formes, parce qu'on peut pas partir dans le délire de, par exemple, de quelqu'un qui me dit je veux une guitare comme ça, avec des bois comme ça. Moi, je le fais. Si vraiment il veut, par contre, je m'autorise l'intervention, on va dire, de lui dire attention, ça, par exemple, du chêne, qui a un bois très présent dans les meubles, je dis, c'est pas la peine, ça marche pas. Donc, après, voilà, je le laisse libre. Maintenant, je lui fais des propositions et en général, on affine le réglage ensemble. Et puis à la fin, je coupe mon téléphone et il peut plus m'appeler. Et puis je fabrique le truc. Alors systématiquement, ce que j'aime bien faire depuis un certain temps avec WhatsApp, Facebook et tous ces trucs-là, c'est je me filme et je lui envoie des petites vidéos où je lui explique ce que je fais plutôt que de faire des photos et puis faire et donc c'est du cas par cas, quoi. Et c'est comme ça qu'on instaure la relation un peu pas de confiance, mais où là le musicien à son tour me fait confiance et il voit où je veux aller et moi je vois où il veut aller et là on fait la guitare normalement parfaite en fait, ce qui va lui une symbiose. Voilà. Donc après, étape 2, je vais dire, ça va être le dessin. Direct. Donc je fais toujours un dessin à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle 1, quoi. Ah normal. Oui. Ouais. Après, on revient dessus beaucoup, jusqu'à obtenir le dessin nickel, quoi. Enfin, nickel, qui correspond au souhait du... Oui. Voilà. Je fais pas non plus... J'ai pas trop non plus envie de partir dans le sur-mesure absolument. D'accord. Je l'ai déjà fait, mais ça, c'est très, très chronophage et c'est compliqué. Et ça peut être... mais plutôt dans des formes, on va dire, standards, quoi. Oui. Et puis, on s'autorise quelques petites modifications en fonction des goûts du... Après, la couleur et tout ça, c'est modifiable à souhait, quoi. D'accord. Et puis ensuite, donc, en fonction du style de musique, en fonction du spectre qu'il recherche, en fonction de s'il veut une guitare plutôt pour faire du jazz, plutôt pour faire du rock ou du heavy metal ou ou du blues, on va partir sur différentes essences. Donc là, c'est là que le facteur de guitare entre en vraiment est important, parce que ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'expérience que tu peux avoir de chaque de chaque essence, oui, savoir ce qu'elle va t'apporter dans ton petit réglage, quoi. C'est comme le mec qui fait à manger les épices, le réglage et tout, il est hyper important, la sauce, c'est ça. C'est la sauce qui est important, l'assaisonnement, voilà, ouais. Et donc là moi je pars là, et ensuite, alors vu que c'est de l'électrique et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, donc une fois que j'ai décidé, on va dire les essences, bon, c'est bien, mais c'est pas le tout. Il faut choisir le sens du fil du bois. Alors ça, c'est mon job, on va dire, pour dans un souci acoustique déjà, et puis dans un souci mécanique. C'est-à-dire que une guitare, il faut vraiment qu'elle dure 50, 60, 70 ans, 100 ans, s'il faut, quoi. C'est pas, on peut pas faire un objet jetable, quoi. C'est pas possible. Et donc ensuite intervient les micros. Alors là, là c'est la catastrophe, parce qu'il y a, il y a 100 millions de références de micros dans le monde, il y a autant de fabricants, et bon bref. Et puis, généralement, je fais pas d'essai, quoi. Je peux pas me permettre, si tu veux, de faire une guitare d'essai. Oui. Ah, donc c'est un one shot, on fait la truc et ça doit être bon. Parce que si je fais une guitare en sapin, enfin un bois pas cher par exemple pour essayer, elle va pas sonner, donc ça oui. sert à rien oui. de faire des trucs comme ça. Et puis je vais pas en faire deux. Avec les mêmes essences, quoi. Oui. Hein, c'est pas possible. Donc il y a cette espèce de cette étape qui est un peu cruciale et qui est dangereuse. Oui. C'est là qu'on est sur le fil et c'est comme la composition, la phase de composition pour un groupe ou un artiste. C'est pareil. Hein, c'est cette phase là où on revient en arrière. Mais par contre, le résultat final, on a droit qu'à un essai, quoi. Finalement, il faut qu'il ait son sens. Il faut que donc et puis ben ensuite les goûts et les couleurs interviennent donc moi je préfère soit qu'on voit le bois et on va être sur une finition vernie par exemple translucide ou moi je veux du rouge, du bleu, du noir bon, okay. Ça après c'est voilà, sachant qu'il y a le vernis ou la peinture à la fin a encore une incidence sur l'acoustique. Incroyable. C'est-à-dire que par exemple moi j'utilise que ce qu'on appelle un vernis nitrocellulosique. D'accord. C'est ce qui s'utilisait d'ailleurs dans les années 50 où on a fait les meilleures guitares de la galaxie à mon sens. Non, mais, c'est vrai. Et parce que c'est un vernis qui est peut-être un peu plus fragile que beaucoup de luthiers utilisent, que les hauts de gamme des industriels sont faits avec ça, les guitares signatures des artistes. Parce que les industriels, justement, la guitare a été industrialisée à un moment donné, ils ont laissé tomber le vernis nitro, ils sont passés sur du vernis polyester, ce qu'on trouve dans les meubles, dans les voitures et tout. Mais par contre, c'est acoustiquement, c'est nul, quoi. C'est-à-dire que c'est un vernis avec un durcisseur, ça fait une peau. D'accord. Vraiment très solide autour de la guitare. Alors, c'est plus solide que le nitrocellulose, mais c'est comme si je mets ma main. Oui, ça étouffe. Voilà. Bah oui. Et ça, c'est pas bien. Bah non. C'est pas bien. Et donc, il laisse vraiment respirer le bois et tout ça. Donc, même jusqu'à la dernière touche finale de vernis, on a encore les mains sur les boutons, j'ai envie de dire, hein, pour le réglage final de la guitare. Okay. Et globalement, voilà comment ça se passe. Bah, dis donc. Alors, on comprend bien un bois, une sonorité, en fin de compte, presque. Oui, alors un bois, un type de sonorité. Okay. Par contre, après, il y a plusieurs. Donc, comme je te disais, par rapport à son séchage, par rapport à son taux d'humidité, par rapport à son âge, par rapport à comment on le traite aussi, parce qu'on peut prendre le fil à plat, le fil sur quartier, donc ça va sonner différemment. Alors, c'est des tout petits détails, mais c'est quand même important. Crucial. Un bois à son, quoi. Par exemple, les acajous. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, à l'odeur, quoi. En fait, moi, j'ai développé un espèce de. Ça s'appelle la synesthésie. C'est ça, oui, voilà. C'est ce que tu me disais. Et le fait les essences de bois pour la lutherie, c'est des essences, déjà, c'est des bois semi-précieux. Hein, c'est des bois qui ont vraiment beaucoup d'odeur, comme le tilleul, l'acajou, l'ébène, l'érable, tout ça, c'est des bois qui ont une odeur vraiment distincte. Et ils ont un son. Et c'est vrai que quand je fabrique la guitare, en général, je me dis, par exemple, comme j'ai pu te le dire, il me faut des basses. Donc tout de suite, moi, je vais penser aux bois qui vont amener des basses fréquences. Donc c'est les acajous. Et dans les acajous, il y a le Spanish cedar, donc qui est un bois incroyable par son odeur. Quoi. C'est vraiment un truc super parfumé. C'est comme une essence de. Et quand j'ai cette odeur-là qui me revient dans la tête, en fait, ben j'ai les basses. Incroyable. Alors, tu es au bon endroit dans l'odeur du son. Grâce à toi, exactement. On sait que c'est vrai. Et je ne proposerai plus cette émission sans penser à toi maintenant. Oh ben c'est gentil. Après, bon, c'est vraiment le rapport physique, on va dire, que j'ai avec le truc. C'est pas une science exacte. Hein. Mais oui, on associe tous notre par rapport à notre expérience. C'est pour ça que c'est fabuleux. Et des fois, l'atelier me manque quand j'y suis pas, justement pour ces odeurs-là. Quand on travaille le bois, il y a des échauffements, ça chauffe. Mmh. Alors là, les odeurs sont terribles. Et là, on se sent vivant. Là. Il est piqué, le Rodolphe. Hein. Ouais. Combien de temps, à peu près, si tu pouvais le quantifier, tu mets ? Pour une réalisation, une guitare. Ouais. Alors il y a beaucoup de facteurs, quoi, quand même. Mais globalement, parce qu'il y a des temps de séchage. C'est-à-dire une pièce de bois qui est collée, on ne peut pas la travailler le lendemain. D'accord. Il faut vraiment que ça se restabilise, qu'on redégauchisse le bois, qu'on le reprenne. Après, il y a le vernis qui prend un temps fou à sécher, il faut le poncer, il y a plusieurs couches. Mais si on prend tout ça en compte, il faut compter à peu près 4 mois, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas 4 mois de travail tous les jours. Voilà. Il y a des grandes périodes de séchage. Par exemple, le vernis, la dernière couche avant de le polir, parce qu'on peut polir les vernis, faut laisser le vernis sécher 5 semaines. Donc voilà, là, pendant 5 semaines, je suis pas là, tu vois, devant la guitare à attendre. On fait d'autres choses. Mais pour faire les choses bien, ouais, 4 mois à peu près. Incroyable. Après, en termes d'heures, je saurais pas trop dire. J'ai jamais trop quantifié ça. Une guitare simple, on va dire une centaine d'heures de travail, ça peut être fait, mais vraiment une guitare simple avec un manche vissé, un truc super simple. Après, on peut passer à 400, 500 heures de travail, ça peut durer des mois. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et du rendu final, quoi. Et les doubles manches? Ah, les doubles manches. Alors, non. Pas contrairement à mon collègue, que j'ai oublié son nom, tu sais, qui a fait une double manche, là. Ouais. Il est du côté de Belfort. D'accord. Double manche, non. Mais ça va se faire. Alors, par contre, les plans, oui, les plans, les dessins, parce que des fois, je fais des plans qui n'aboutissent pas forcément. Alors là, c'est des guitares que je fais plutôt pour moi et pour faire une sorte de vitrine, hein, si tu veux. Et tous les plans que j'ai, j'aurais pas assez de la vie qui me reste pour les mettre en œuvre. Je pense pas, quoi. Ou alors, si, il faudrait que ce soit des commandes qui arrivent par dizaines. Et encore, il faudrait pouvoir suivre, en fait, c'est ouais. ça. Est-ce que tu peux fabriquer plusieurs guitares en même temps, au final? Ouais, toujours. C'est-à-dire que dès que j'entame un processus de fabrication, je m'arrange pour en entamer un autre. D'accord. Après, des fois, ça peut arriver qu'il n'y en ait qu'un à faire. Oui. Hein. Et donc là, bon. Oui. Mais souvent, c'est comme ça, et ça me donne une espèce de... Souvent, c'est des guitares différentes. Et ça me donne une espèce de... Comment on peut appeler ça? Une polyvalence, quoi. Ouais, puis ça m'entraîne, quoi. C'est-à-dire que là, je vais être sur le manche de celle-ci, et en fait, les machines, bon, voilà, les outils, ça les tourne. Trucs. Ouais. Voilà, quand j'ai une presse avec des presses, qu'il y a une pièce dedans, bon, bah, on peut pas faire autre chose. Oui. Donc, là, je fais une autre guitare. Ça donne une espèce de moteur, et ça, c'est intéressant. Une dynamique. Ouais. Une fois que tu as fabriqué ta guitare, elle est réalisée, tu la testes en studio? Tu la testes avec l'artiste? Ouais, alors, moi, ce que j'aime faire, c'est aller à l'artiste. Enfin, c'est-à-dire que je ne vais pas le laisser venir à l'atelier parce qu'il va être... Il faut qu'il le teste chez lui ou dans son studio. Dans son matériel, quoi. Ouais, dans son univers, dans son milieu, dans son élément, quoi, en fait. Et souvent, ouais. Alors ça, par contre, c'est des moments de dingue. Enfin, souvent, c'est vraiment... C'est très très flippant parce que il attend ça depuis un certain temps. Une fois donc j'arrive chez l'artiste ou le guitariste, il prend sa guitare, enfin la guitare qu'on vient de faire, il peut s'amuser à jouer 2 heures de suite sans plus parler. Quoi. Et alors bon, et là on ressent vraiment, et là tout le film qui se déroule, des échanges qu'on a eus et tout ce qu'il voulait me dire, est-ce que j'ai réussi à lui proposer dans cet outil, parce que pour lui c'est un outil, et qu'il arrive à faire, et là je me dis, bon, alors là c'est vraiment grave de faire des choses comme ça, c'est pas sérieux, ça fait des émotions très très fortes, quoi. Oui. Vraiment très très très fortes. Ah oui, j'imagine. Donc ça c'est pas mal, moi j'aime bien faire comme ça en tout cas. Hein, plutôt que de le faire. Après, c'est peut-être du fait que quand j'étais plus jeune et que j'étais pas apte à fabriquer des guitares comme ça, moi je cherchais aussi. Je voulais une guitare super ou des guitares. Et aller tester des guitares dans un milieu qui n'était pas le mien, j'ai jamais trouvé ça super. Oui. Je vais pas casser du sucre sur les magasins de musique. Hein. Je veux dire, c'est pas le délire, mais c'est vrai que quand on va dans un magasin de musique, il y a plein d'amplis, il y a une ambiance vraiment bizarre. Oui. Alors, il y en a qui arrivent à faire des pièces spécialisées où là, on peut vraiment essayer correctement. Mais quand on a besoin d'être dans notre bulle, quoi. Voilà, quand la guitare arrive dans ta bulle et qu'elle arrive en passant la porte comme un cadeau du Père Noël, tu vois, incroyable. Et que tu la branches sur ton truc dans ton studio ou dans ton. Bah, quoi que tu sois pro ou pas, enfin, dans ton univers, c'est hyper important. Et là, c'est magique. Mais là, ça prend vie. Et là, quoi. Ça prend vie, ouais. Il n'y a pas de mots, je pense, pour expliquer tout ça. Ah non. Tu fabriques, mais est-ce que tu répares aussi? Oui. Oui, réparation, réparation. Alors, je peux refabriquer. Souvent, c'est ce que je fais. Par exemple, des guitares cassées. Donc, on refait des pièces. tout est refaisable, hein, quasiment. Réparer, oui, aussi. Après, il y a des moments, faut savoir dire non. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui vient me voir pour faire une réparation, si je ne sais pas le faire, si je pense que je ne vais pas pouvoir le faire, je préfère dire non plutôt que de dire bon, bah, si, je vais te le faire. Et c'est puis, un vrai professionnel, hein, ça. Parce que je veux dire, c'est facile de dire oui et puis en fait de ne pas. Exactement. Hein. Parce que bah, justement, on parlait de vernis tout à l'heure, il y a des techniques de vernis que je ne connais pas. Parce que je les utilise pas, comme les gommes laques ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est par contre, ça c'est pour le coup les luthiers qui font du violon. D'accord. Hein, donc ça, c'est des applications très particulières. Donc faire des retouches de vernis sur ça, je l'ai déjà fait sur des instruments qui m'appartiennent et tout pour essayer, pour délirer. Mais ça, c'est vraiment un métier, quoi. Oui. Un métier dans le métier. Et souvent, des fois, d'ailleurs, dans les marques de guitares qui sont industrialisées, les gens qui font du vernis ne sont pas ni guitaristes, ni luthiers, ils sont vernisseurs, on appelle ça comme ça. Ouais, ouais. Donc, oui, réparation, réglage. Sous condition, voilà. Bah, ouais. Enfin, sous condition d'être sûr de mener à bien le truc, sinon, ce n'est pas la peine de. Mais c'est ce qui est le mieux, je pense. Ouais, je sais pas. Tout à fait. Cette émission elle est passée à toute vitesse. On va quand même la terminer ensemble. On va se donner quelques minutes supplémentaires. On va déjà se plonger dans le troisième son que tu m'avais choisi, Lenny de Stevie Ray Vaughan. Ouais. C'est ça? Ouais, Vaughan, ils disent les anglais, mais après. Ok. Moi, tu sais, l'anglais, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc, pourquoi tu avais choisi ce son? Alors, bah là c'est c'est un peu comme les deux sons d'avant, c'est en relation directe. Là, on entend vraiment un son hyper limpide. Et c'est une guitare qui est en frêne et en érable. Et je trouve, alors bah je parle boutique là bien sûr, mais je trouve que on l'entend vraiment. Voilà. Donc si quelqu'un se demande mais qu'est-ce que ça fait l'érable, le manche en érable à une guitare, bah ça fait ça. Génial. Alors évidemment il y a les amplis, c'est passé en studio donc c'était mais pas tant que ça, parce que c'est un artiste qui branche sa guitare sur l'ampli, ils mettent un micro, ils enregistrent, il n'y a pas trop de... Oui. Et c'est très fidèle, c'est très clair, très limpide, c'est un instrumental, et on entend vraiment super bien la guitare, et ce que peut produire une belle essence de bois, en fait. Super, alors on va peut-être un petit peu s'éloigner du sujet avec mon prochain son, juste après Lenny, que l'on va écouter tout de suite. Je vais passer Pastime Paradise de Ray Barretto, mais c'est une vraie découverte pour moi, un gros gros coup de cœur là. Donc c'est le deuxième disque chouchou que moi j'ai choisi. On a fait la playlist ensemble avec Rodolphe, ouais. Aujourd'hui on s'est fait plaisir. Donc on écoute ces deux sons-là, tu me diras ce que tu penses de mon deuxième son et on se retrouve juste après pour la toute dernière ligne droite de cette émission. Allez, à tout de suite. Thank you. Pastime Paradise, je coupe parce que ce son est extrêmement long, 8 minutes 30 et on a déjà débordé sur notre horaire, donc voilà, on va pas abuser non plus. Vous aurez tous reconnu la reprise de Coolio, voilà, j'ai vraiment adoré ce son et j'espère que vous aussi de l'autre côté du poste. Rodolphe, si tu avais un grand projet, un grand rêve avec les guitares, ça serait lequel? Le NAM. Le NAM? Oui. C'est quoi ça, le NAM? C'est le salon de la guitare dans D'accord. le monde, qui est en Californie, à Los Angeles. Et bon, par contre, là, le niveau, enfin, c'est comme pour les voitures, le salon de, oui. de voilà. De l'auto. Voilà. Le top du top. Ah ouais, c'est le top du top parce que ben il passe tout le monde, quoi. Tout le monde de la guitare et puis puis les États-Unis bah c'est le berceau bon, oui, oui, oui c'est le berceau c'est le pays du rock quoi, du blues et puis des guitares quoi parce que là-bas il y a des guitaristes partout. Non mais c'est vrai. Bah j'imagine oui. Il y a des guitaristes partout et puis il y a des états complets qui sont complètement oui. bercés dans le Texas, par exemple, on a entendu Steve Ray Vaughan tout à l'heure, le Texas, le blues du Texas, c'est terrible. Et on trouve là-bas des... Alors, je n'ai pas vu de mes yeux, mais je sais, quoi. On trouve là-bas des gens qui ont des guitares chez eux. Voilà, le papy, il a sa guitare, et toujours, forcément, c'est une Gibson, une truc de dingue. Mmh. Et puis, il en joue comme ça le dimanche. Et le niveau, par contre, le niveau est exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel chez les Américains sur la guitare, comme ça, la guitare country, la guitare blues. Super. Alors, si on veut te contacter, si on a un projet peut-être de guitare, voilà, on a envie de te contacter, comment on fait ? Globalement, c'est toujours par téléphone. Donc, il y a un petit site internet, donc www.naguitar.com. Ouais. Il y a les contacts, il y a le numéro de téléphone. On peut remplir un petit formulaire, je crois, de contact, mais bon, il y a le numéro de téléphone, donc autant y aller oui. comme ça. Et puis, il y a le mail ou par mail, naguitar@gmail.com. Super, on peut te suivre sur Facebook aussi. Il y a une petite page Facebook. Il y a une petite chaîne YouTube. Il y a une petite chaîne YouTube où tu as mis la vidéo. C'était génial, c'était vraiment génial. Ouais, c'était pas mal. On avait voulu faire une espèce de petite vidéo comme ça, entrecoupée d'essais de guitare, très court, en format teaser un peu. Bon, c'était pas si mal que ça, en faisant une description technique, mais sans rentrer trop dans le documentaire. Mais c'était génial. Merci. Mais oui, c'était mérité. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? De fabriquer des guitares, un maximum, quoi. Et puis après, moi, ça, je ça prends. Pas. Ouais. Bah, j'étais ravie de t'accueillir ici autour de la table dans les studios de Radio Gemozo pour l'odeur du son en plus, voilà, émission avec ce titre qui se prête tellement à ce sujet d'aujourd'hui. Super, tu reviendras ? Ah bah avec plaisir, ouais. Peut-être accompagné avec une démonstration, ça, on ne sait pas. Mal, on vous réserve peut-être quelque chose là. Avec suite ouais, des petits bouts de bois aussi, on pourrait. Mais ouais, carrément. Et puis pourquoi pas des guitares, ouais. Ah bah oui, quand même. Et bah, merci. Avec plaisir. C'est moi qui te remercie. Mais non, c'est moi qui te remercie. J'étais ravie de discuter de tout ça avec toi. Je pense qu'on aurait pu faire des heures de plus. Ouais. On peut. Tu reviendras, c'est certain. D'accord. C'est promis. Merci. C'est très gentil. Mais c'est avec plaisir. Cette émission sera podcastée sur nos réseaux, hein, sur notre page Facebook et sur notre profil Gemozo. Elle sera également rediffusée ce jeudi à midi, hein, parce que quand on aime, bah, on compte pas. Ah, super. Voilà. Ah, et puis, auditeur, eh bien, c'est comme tous les lundis. Je te souhaite de bien prendre soin de toi. Profite du soleil. Prends bien soin des autres aussi. On se retrouve à la semaine prochaine avec la suite de mes évités. Allez, kiss. Let's go. I'm not afraid to die.